Donc on va pouvoir reprendre la journée d'études. Alors juste avant de continuer, on nous a informé que l'applaudissement n'était pas forcément adéquat pour respecter les sensorialités de toutes les personnes présentes dans la pièce, donc on va éviter d'applaudir pour le reste de la journée. Vraiment désolée pour les personnes que ça a dérangé. Du coup, plutôt privilégier les doigts ou les mains, comme ça. Voilà, merci beaucoup. Désolée de cette interruption, mais à nouveau merci aux personnes du panel précédent. C'était vraiment des présentations hyper enrichissantes, donc merci beaucoup. On peut les remercier, comme ils ont été interrompus. Et donc on va pouvoir passer au dernier panel de cette journée, donc qui porte sur les enjeux spécifiques aux images imprimées lesbiennes, ici plus spécifiquement la presse et la bande dessinée, et sur la façon dont ces images, qui impliquent donc une diffusion plus large, visent à créer une culture visuelle lesbienne. Donc on va avoir trois présentations pour ce panel qui sera donc un peu plus court, dont une discussion entre deux chercheuses. Et je demanderai à nouveau à tous les participants de respecter les 20 minutes pour qu'on puisse avoir le temps de questions à la fin. Et donc on va accueillir Julie Wurmann et Camille Senoble. Donc je suis très heureuse de présenter cette discussion entre Cam et Julo. Donc Cam est membre du CIL et doctorant contractuel à Sorbonne Université, en première année de thèse sur la photographie dans la presse lesbienne francophone, dans le dernier quart du XXe. Et elle travaille en ce moment sur un article qui porte sur les pratiques et les représentations du collectif au sein de la revue Clit 007. Julo Wurmann est étudiante en master à l'Institut Art Gender Nature à Bâle, en Suisse, et s'intéresse à l'histoire de l'art queer et à la narration, en faisant principalement des BD et des films. Parallèlement à ses études, il milite dans plusieurs collectifs, notamment la revue suisse francophone féministe, queer et intersectionnelle Métépalme, et à l'occasion d'une invitation de l'espace E à Nyon, Métépalme a présenté une exposition intitulée Plongée en archives féministes, de la revue L'Insoumise à Clit 007, une décennie de féminisme roman, de 1975 à 1986. Et donc, elles vont tous les deux nous parler de leurs travaux respectifs sur la revue Clit 007. Alors, rebonjour à tous et à toutes. On se réjouit à fond de vous parler aujourd'hui de Clit 007, qui est donc le concentré lesbien irrésistiblement toxique, qui est une revue suisse romande lesbienne politique qui est apparue de 81 à 86. On a décidé de s'inspirer de leur méthode de travail pour articuler cette présentation aujourd'hui et donc de vous proposer une discussion autour de cette revue en nous intéressant plus précisément à la création visuelle et théorique en collectif. Cam a précisé, on s'est rencontrés à l'issue de Clit 007 dans le cadre de nos recherches. Et vu que j'ai fait une expo avec mon collectif qui s'appelait « Plongée en archives féministes de la revue L'Insoumise à Clit 007, une décennie de féminisme roman », si jamais il y a un QR code, vous pouvez scanner et avoir plus d'informations. Et du coup, de cette rencontre a découlé une amitié et également des goûters avec les lesbiennes de Vanille Fraise. Et on va vous présenter notre concentré « Lesbien irrésistiblement toxique ». Et voilà, si jamais il y a des archives, des facsimilés d'archives que vous pouvez prendre pendant la discussion et des bouclettes qui du coup retracent l'exposition qu'on avait faite, que vous pouvez vous servir. Et juste les facsimilés, il faut nous les rendre parce qu'on aura peut-être besoin. Ok, donc on va revenir rapidement sur le contexte de création de Clit 007 et donc de Vanille Fraise. Et on va faire rapidement un petit contexte politique occidental sur ce qui est des années 80. C'est un contexte qui est assez paradoxal pour les personnes homosexuelles et les personnes minoritaires plus globalement. Là, on va du coup se concentrer plus sur les personnes homosexuelles. Donc il y a des dynamiques comme celle en 82 de la dépénalisation de l'homosexualité en France. Mais il y a également beaucoup de mesures politiques, un peu partout en Occident, qui cherchent à renforcer les valeurs familiales et à faire primer l'hétéronormativité aux dépens des homosexuels. On peut également évoquer la crise du VIH-SIDA qui entraîne la mort de millions de personnes, et cela dans, je cite Thibaut Boulevin, « l'incurie des pouvoirs et le cynisme marchand des acteurs du champ médical ». Découle donc de ce contexte plus que violent à l'égard des personnes minoritaires une mise en place d'un activisme culturel et de contre-culture qui se développe notamment dans la presse parallèle. Cette presse, qu'on peut appeler également alternative, elle naît dans les années 70, notamment avec mai 68 et tous les mouvements de libération donc des femmes, des homosexuels et de tout autre engagement politique et sociétal. Et voilà, on vous met un peu de Clit 007 pour que vous ayez des images en plus de ça. Cette presse parallèle, elle a trois caractéristiques, c'est la décapitalisation, la désinstitutionnalisation et la déprofessionnalisation, qui offre donc une grande liberté éditoriale, graphique et discursive. Et cette presse, elle s'inscrit également dans le développement plus général des médias alternatifs, dont Radio Pleine Lune, sur lequel tu vas pouvoir revenir, Julo. Et du coup, pour donner un peu un contexte du féminisme en Suisse, il y a le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, qui s'est formé, qui s'est formé dans les années 70 à Genève, le MLF de Genève. En 1971, il y a le droit de vote des femmes qui est introduit en Suisse, ce qui va donner aussi un regain d'énergie dans les luttes féministes. Et il y aura une mise en place par le MLF d'actions directes, comme en 1976, l'occupation d'un bistrot désaffecté dans le quartier des Grottes, où en fait elles réclamaient le droit d'avoir un centre pour elles. Et elles vont être expulsées en août, et pour se venger, elles vont décider de murer l'entrée du conseil administratif. Voilà. Et du coup, de toutes ces actions, va naître un journal qui s'appelle L'Insoumise, qui, en 1976, qui va durer 2 ans, qui relatera justement toutes ces actions directes. Et pour citer les militantes, elles disaient qu'elles prônent un refus du système et incitent à prendre du fric à l'État pour vivre à l'aise. Et du coup, prônaient un féminisme anticarcéral pour les luttes ouvrières et anarchistes. Un des événements les plus marquants étant l'occupation de l'usine Bulova en 1976 avec plus de milliers de personnes. Et voilà. Ensuite, du coup, de ce magazine-là va découler le collectif Vanifraise qui produira Clit 007 dont on va parler aujourd'hui. Pour revenir sur la formation de ce groupe-là, je vais citer les mots de Rina Nissim, une des personnes que j'ai eu la chance d'interviewer lors de la table ronde qu'on a fait pendant notre expo. Elle dit « Et c'est au sein de l'insoumise qu'on s'est retrouvés, plusieurs lesbiennes se rendant compte que nos sujets ne les intéressaient pas vraiment. Nous, on militait pour le droit à l'avortement, mais elles ne nous voyaient pas vraiment l'ascenseur. Donc un jour, on s'est dit « Ça y est, on fait un journal. » Donc Clit 007, c'était un concentré lesbien irrésistiblement toxique. Et notre mission, c'était de politiser les lesbiennes de bar. » Voilà. Et parallèlement à Clit 007, il y aura également le quart d'heure lesbien, qui sera une émission diffusée sur la radio Pleine Lune, qui est une émission féministe pirate qui aura lieu tous les soirs de Pleine Lune jusqu'à ce qu'elle se fasse brouiller par les PTT en 1999. Et il y aura également, elles organiseront également en Suisse le bal des chattes sauvages, qui était des soirées lesbiennes qui avaient lieu tous les premiers samedis du mois. Voilà. Et ensuite la Goudou Manif de 1982. Et la manif pour le droit à l'asile des lesbiennes de tous les pays en 1986. Parallèlement à Vanifraise, il y aura d'autres groupes au sein du MLF comme Aspasie, le dispensaire des femmes, et également une revue plus tard qui s'appellera la revue Courandelle. Et donc, pour ce qui est d'une présentation un peu plus sur Clit 007, c'est une revue qui paraît de 81 à 86, qui paraît 22 fois car c'est pas du tout un mensuel, c'est un trimestriel. Et en 84, elles reprennent le bureau de l'ILIS, qui est l'International Lesbian Information Service, qui était du coup un bureau qui changeait d'emplacement tous les 2 ans à peu près. Donc souvent, il était à Amsterdam ou en Suède. Et là, il est arrivé en Suisse en 84. Et elles ouvrent leur revue à l'internationalisme en écrivant en anglais, en français et en espagnol, dans un but vraiment de toucher le plus de lesbiennes possible. D'un point de vue plus graphique, Clit, c'est une revue qui est produite avec une multitude de mains. C'est plus d'une vingtaine, voire d'une trentaine de Gwyn et affiliés qui se réunissent tous les 3 mois à Genève pour ce bricolage visuel et discursif. C'est un bricolage qui est principalement fait du glanage d'articles et d'images dans d'autres magazines. L'idée du vol, elle est vraiment très récurrente et très présente dans le propos de la revue. Et donc, dans Clit 007, comme on peut le voir là, par exemple, sur la droite, c'est donc, je pense, un camp d'été lesbien en Italie. Et il n'y a aucune légende ni quoi que ce soit. Et en fait, il y a vraiment ce refus poussé à son paroxysme dans Clit 007. Donc, c'est un refus de la propriété privée. Vanny Fraise, elles utilisent des outils comme l'ironie et l'humour, qui sont donc une force d'émancipation, et elles ont aussi également recours au collage, au scan, au DIY, à l'écriture non hiérarchique. De plus, l'aspect peu prémédité du choix des images peut être revendiqué comme un choix en soi, car il configure une esthétique qui est directe, efficace, instinctive et marquante. Et ça permet à tout le monde d'expérimenter à tour de rôle les différentes tâches éditoriales au sein de la revue. Pour reprendre encore une fois les mots de Rina Nissim, elle dit donc « on colle, on coupe, on refait le monde ». Et donc on a décidé d'organiser notre discussion par le prisme du collectif et de, cette fois-ci je cite Marie-Martine Chautins, « l'aspect enthousiasmant et les joyeuses naïvetés de Clit 007 ». Et donc ma première question pour toi, Julo, c'est pourquoi en fait au sein de Metepal et même toi-même, vous êtes intéressée à ces journaux et pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette exposition ? Merci, c'est une super question. Alors, du coup, pour reprendre le récapitulatif un peu de l'événement, ça a été issu d'une invitation de l'espace d'art E à Nyon, situé près de Genève en Suisse. Donc, c'était une proposition d'une résidence de un mois à mon collectif Metepalm, qui est donc, comme j'ai dit, une revue féministe queer intersectionnelle de 14 bénévoles sans mec 6. Et on s'est posé la question de comment déployer l'idée d'une revue radicale dans un espace d'exposition et comment passer de la page blanche au white cube et du journalisme à la curation. Et on a eu envie de créer aussi un peu une sorte d'événement un peu hybride avec une table ronde. Là, par exemple, c'est la table ronde qu'on a organisée avec les militantes de Vanny Fraise, donc des personnes qui ont écrit dans Clit 007. Et on s'est rendu aux archives contestataires, plein de naïveté joyeuse, comme dirait Marie-Martine Chautin. Et on a essayé de réfléchir, on a voulu en fait quitter la vague actuelle du féminisme, pardon, pour essayer de réfléchir au passé, à la manière dont il éclaire le présent, et essayer de nous inscrire aussi dans un militantisme de la revue papier. En Suisse, et réfléchir en fait à cette question de lignée et de durée. Et ce qui est bien avec Clit 007 et le journal de l'Insoumise, c'est qu'on voit qu'il y a des différences au sein des féminismes, des désaccords, et ça permet vraiment en fait de réfléchir le féminisme et la lutte sur en fait, une grande période, et de réfléchir en fait à nous, comment on s'inscrit dedans. Et du coup, moi, j'avais une question pour toi. En tant que chercheuse, pourquoi tu t'es intéressée à ces journaux ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'esthétique de Clit 007 et dans les influences visuelles ? Merci, c'est également une super question. Du coup, comme Louise l'a dit, je fais une thèse sur la photographie dans la presse lesbienne. En fait, Clit 007, tout simplement, ça fait partie de mon corpus grâce à Michèle Laroui, qui est donc la bénévole un peu star des archives lesbiennes, qui me l'avait présentée en me disant que c'était une de ses revues préférées. Et depuis, c'est également devenu une de mes revues préférées, je pense, de mon corpus. Parce que, en fait, il y a un rapport à l'image, et peut-être qu'il faut que je mette des images pour que, voilà. Par exemple, juste les couvertures, je pense que ça montre un peu la pluralité de ces images. Et donc, elles sont omniprésentes, et il y a un rapport entre l'image et le texte que je trouve très intéressant et aussi très drôle à étudier. Et j'ai du mal à tourner ma feuille, donc j'arrive. Les influences visuelles de Clit 007, elles sont assez difficiles en fait à déterminer et à vraiment mettre le doigt dessus, parce que comme je le disais, elles glanent tout. Donc il n'y a pas de légende, on ne sait pas d'où ça provient. Parfois on peut un peu retrouver avec de la chance, et ça a été mon cas sur certaines images, mais je pense que du coup les influences principales visuelles de cette revue, c'est vraiment sur les images de la presse, qu'elles soient donc tant commerciales, et par commerciales aujourd'hui on peut aussi entendre hétéro, que militantes et communautaires. D'accord, tiens, on peut partager. Du coup, j'avais une autre question pour toi. Il y a aussi une pratique de la photographie directe au sein du collectif, et je voulais savoir quelles sont les photos qui t'ont marquée et dans quoi elles s'inscrivent. Oui, parce que du coup, en fait, moi, en ce moment, je m'intéresse particulièrement à la question du collectif dans cette revue, à travers l'appareil photographique et aussi juste au glanage. Et je vais vous présenter quelques images. J'aurai pas le temps de trop revenir dessus, malheureusement. Mais là, par exemple, c'est un camp d'été à Lezière. Donc, c'est un camp dans le sud-ouest de la France, en 81, où il y avait plein de gouines qui vivaient juste toutes nues ensemble ou sur des motos. Et donc, par rapport à cette pratique de la photographie, je pense que je parlerai justement d'un rapport à la pratique de la photographie, parce que comme je l'ai dit, encore une fois, c'est difficile de savoir qui a pris la photographie, si c'était un membre, enfin une membre de Vanny Fraise, ou si c'était, je sais pas, elles l'ont vu dans une revue allemande, et elles se sont dit, ah, c'est super, on va la mettre là-dedans. Donc, ce que j'essaye de regarder dans ces photographies, c'est un peu celles qu'elles sélectionnent, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un intérêt particulier pour les photographies où elles sont en groupe, et où elles sont donc en communauté, en quelque sorte. Et pour ça, du coup, je dois créer un article, donc j'ai décidé d'avoir un mot un peu technique, c'est l'idée du portrait en acte. Donc c'est un terme de Clément Chéroux que j'utilise, où il revient sur la photographie des portraits de groupe des surréalistes. Et en fait, on les voit très souvent en pleine action. Là, par exemple, bon, c'est pas hyper quali, mais l'image en elle-même ne l'est pas. C'est, je crois, à la Goudou Manif de 82, elles ont fait une sorte de fleur de manifestation avec beaucoup de personnes, elles sont toutes déguisées. Et je trouve que justement dans ces images, même celles en bas à droite, c'est vraiment toujours l'idée de faire primer le collectif sur leur individualité. Et elles disparaissent dans le groupe par cet enchevêtrement. Et du coup, maintenant, Julo, j'ai une question pour toi. Je me demandais justement pour vous quelles ont été les images qui vous ont inspiré et qui vous ont intéressé, et également en quoi la curation en fait d'archives, elle peut varier de celle des œuvres d'art, et en quoi le fait de travailler dans l'unité de Met et Palme a-t-il pu influencer vos choix et votre regard ? Fait beaucoup de questions. Alors, du coup, je vais vous mettre quelques images de l'exposition. Du coup, pour revenir à la question sur les, en quoi ça diffère des œuvres d'art ou de la production artistique, exposer des archives, de toute manière, c'est sortir de formes commerciales habituelles de la production artistique et du coup assumer une forme de temporalité face à l'idée reçue de la temporalité du White Cube. Et donc même si on expose ou on traite ces archives comme des œuvres d'art parce qu'elles sont très très belles et qu'on a envie de les traiter comme des œuvres d'art, au sens politique et commercial du terme, c'est pas des œuvres d'art. Et du coup, nous, pour notre exposition, on avait du coup privilégié des originaux sur les murs, parce que ça nous semblait important de donner un accès direct aux archives. Et sur les colonnes, je crois qu'on voyait bien là, c'était des affiches qui permettaient de donner une sorte de théâtralité aux archives et en fait qui renvoyaient directement à des événements qui étaient cités dans les magazines. Et on voulait aussi reproduire cette sorte d'esthétique de l'action directe en faisant un peu des collages sur les murs, vu que c'était aussi une esthétique qu'elles avaient dans leur magazine. Voilà, et ce qui nous semble important, comme je l'ai déjà dit un peu avant, mais c'était vraiment pouvoir montrer une sorte de continuité entre les magazines. Donc dans le numéro 2, elle parle de la Goudou Manif, elle l'annonce, et dans le numéro 3, elle fait un retour sur les événements, comme tu l'as montré avec la fleur. Et du coup, voilà, ça nous semblait important de montrer vraiment cette ligne. Et voilà, on avait, je crois que j'ai déjà parlé de ça. Du coup, non, c'est tout. Ah oui, ça c'est super. Voilà, du coup, il y a des. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est au-delà de l'aspect de la continuité des événements, c'est aussi une forme de continuité de l'esthétique qui se retrouve, ou bien d'une volonté de créer une esthétique lesbienne, enfin, au travers de la pratique du glanage, comme tu vas l'expliquer après. Et ce que j'aimais trop aussi, c'était les premières de couverture et les quatrièmes de couverture qui souvent en fait se répètent, enfin dans certains, mais avec une sorte de légère différence, et qui créent en fait vraiment un peu une sorte d'objet ou une forme de sculpturalité autour de la revue et en fait, enfin ouais, dans l'objet en soi du livre. J'ai une question pour toi, du coup, sur le glanage. Est-ce que tu pourrais nous développer cette pratique et nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important de s'intéresser à ce genre d'image ? Oui, du coup, comme je l'ai déjà expliqué un peu avant, c'est qu'elle s'en fichait complètement de la propriété privée, donc elle glanait absolument tout ce qu'elle voulait. Là, par exemple, c'est des couvertures, on ne sait pas d'où elles proviennent. Ma théorie, mais... c'est enfin mon hypothèse plutôt, on va dire. À gauche, j'ai envie de dire que c'est des communautés lesbiennes d'Oregon, voilà, et à droite, je ne sais pas du tout. Et en fait, ce qui est super avec Lit 007, c'est qu'il y avait deux des lesbiennes de Vanifresse qui étaient bibliothécaires et qui, du coup, avaient... en fait, elles pouvaient shipper toutes les revues qu'elles voulaient dans leur bibliothèque et les ramener à leur week-end de maquettage. Et donc, ça ouvre vraiment une banque d'images illimitée. Et ce qui est bien aussi avec le glanage, c'est que c'est des outils qui sont vraiment très, très simples, comme tout le reste de Clit 007. Il nous faut des ciseaux, de la colle et juste des images accumulées. Par exemple, est-ce que ça va être là ? C'est ici. Là, par exemple, à gauche, on a la revue Femmes en mouvement de Psychépo du MLF. Et à droite, on a celle de Clit 007. On peut voir qu'elles ne respectent pas du tout les crédits, elles ne respectent pas le cadrage, elles en font un peu ce qu'elles veulent. Et c'est encore le cas ici, c'est dans le même numéro de Femmes en mouvement. Et je trouve que c'est assez intéressant, en fait, ça nous permet un peu de nous interroger sur les lacunes qu'on a dans la représentation lesbienne. Là, par exemple, elles font un photocollage sur le fait que l'hétérosexisme peut être guéri. Ici, elles ont pris elles ont complètement pris la sculpture de Joan Hanson ou la photographie d'Imogen Cunningham, ici Man Ray et aussi Alice Austin. Et en fait, ça nous permet de savoir un peu ce qu'elles faisaient avec la culture visuelle qui était disponible et comment elles la transformaient pour les lesbiennes. Et j'essaye, on n'a plus beaucoup de temps, désolée, mais il y a ces deux vieilles que j'adore et que j'ai vues souvent en fait, dans les revues de Clit 007, et je pense qu'elles sont tout à fait hétéros, mais quand on les lit dans Clit 007, ça devient juste deux vieilles gouines et qui font super plaisir à voir, parce que ça, je rebondis sur Marie-Achille et le fait de vieillir en étant lesbienne. Et je te donne la parole sur la cuisine de Clit 007, de Mette et Palme. Est-ce que l'aspect collaboratif et l'interchangeabilité des postes, mais aussi le glanage, ça vous a un peu donné envie d'en faire pareil ? Alors du coup, malheureusement, on a clairement perdu le glanage, mais je pense maintenant ça va être un peu à méditer. La question de l'interchangeabilité des postes, on la pratiquait déjà à Mette et Palme, vu qu'on a un collectif non hiérarchique. Et qu'on fait tout ensemble, que ce soit de l'écriture aux illustrations. La seule tâche qu'on ne fait pas ensemble, c'est le graphisme, parce qu'être 14 derrière un ordi sur InDesign, ce n'est pas hyper marrant. Je pense que c'est aussi un peu à réfléchir cette avancée des technologies. C'est un peu mon instant boomeuse. Mais du coup, qui perd en fait un aspect un peu communautaire ou qui perd ce fait de pouvoir travailler ensemble. Et puis je voulais te demander, selon toi, pourquoi c'est important de s'intéresser aux archives ? Promis, c'est la dernière réponse, donc on est dans les temps. En fait, je pense que ce qui est important dans le fait de s'intéresser à nos archives, c'est de justement un peu pallier le fait qu'on parle très souvent d'un manque d'histoire et d'une invisibilité des lesbiennes. Et en soi, c'est un fait, mais il s'agit maintenant d'enrichir les ponts transgénérationnels et d'inscrire toutes ces initiatives dans une histoire qui serait plus ou moins continue. Parce que l'histoire lesbienne, elle n'est ni monolithique ni linéaire, mais elle s'est toujours exprimée, que ce soit dans les interstices de l'histoire de l'art, comme on l'a vu ce matin, ou dans des contre-cultures comme on va le voir juste après nous. Et je trouve que c'est important de nous inscrire dans ces multiples passés pour qu'on arrête d'avoir l'impression de refaire toujours depuis zéro et qu'on est les premières et tout ça, alors que c'est important. Par exemple, nous, du coup, on a rencontré Rina Nissim et Marie-Martine Chautens, et c'est super de rencontrer aussi des lesbiennes plus âgées. Et du coup, c'est pour ça qu'à mes yeux, de jeune historienne de l'art, c'est fondamental de nous intéresser à nos archives. Donc voilà, je te remercie, Julo, pour cette super discussion et on te donne la parole, du coup. Merci beaucoup Camille et Julo pour cette plongée dans Clit 007 et dans les pratiques éditoriales et curatoriales. Et on va maintenant accueillir Sarah Fussel. Sarah est doctorante contractuelle à l'Université Paris-Nanterre, où elle est membre du Centre de recherche anglophone. Sa thèse porte sur le périodique britannique Sappho, qui est un magazine du mouvement féministe lesbien, qui a circulé de 1972 à 1981, et s'intéresse aux pratiques de création collective, à l'intersection de la culture lesbienne et de la politique, et aux histoires de l'art et du design qui se trouvent hors des institutions traditionnelles. Ses recherches ont reçu le soutien du Paul Mellon Center for Studies in British Art, et elle va nous en parler tout de suite. Merci Sarah. Merci aux organisatrices pour cette journée d'études et aussi aux interventions précédentes. Je pense que ça colle très bien avec ce que je vais vous parler. Comme vous voyez, je vais vous parler de mon sujet de recherche, qui est plus largement la presse lesbienne britannique, mais plus spécifiquement cette périodique, ce périodique que vous voyez, Sappho, qui était en circulation entre 1972 et 1981. Et je m'intéresse particulièrement à comment ce périodique reflète le développement d'une culture lesbienne en même temps qu'elle aide à la créer dans ses pages. Et tout ça au début du mouvement pour la libération homosexuelle au Royaume-Uni. Alors, avant de commencer à parler de, commencer à parler de Sappho en soi, je vous donnerai un peu de contexte de cette période au Royaume-Uni pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, jusqu'en 1967, les actes homosexuels entre hommes étaient illégaux au Royaume-Uni. La loi ne fait aucune référence spécifique aux homosexualités féminines, mais présume que cela n'existe pas. Du coup, pendant les années 60, il y a plein de groupes militants qui combattent pour changer la loi, et aussi des groupes comme ici pour des lesbiennes. Arena 3, qu'on voit sur l'écran, a été fondée par un groupe des lesbiennes, un journaliste et quelques amis et copines. Elles ont fondé cette groupe Minorities Research Group à Londres afin de combattre les stéréotypes des lesbiennes dans les médias et ainsi d'entrer en dialogue avec les professionnels de santé qui faisaient la recherche sur l'homosexualité féminine et masculine, et ainsi d'offrir aux lesbiennes finalement un lieu où se retrouver hors des bars et des clubs lesbiens à Londres et dans d'autres grandes villes. Alors, ils ont choisi ce nom, Minorities Research Group, afin de conférer un certain respectabilité sur leurs travaux de recherche. Ce n'était pas vraiment la recherche, c'était juste leurs expériences en tant que lesbiennes. Ils ont choisi aussi un nom de magazine un peu vague pour éviter d'être censuré. Mais tout commence à changer vraiment dans l'année 1970, c'est une année clé dans l'histoire. On a tout d'abord le Gay Liberation Front, le Front pour la libération homosexuelle, aussi connu comme GLF, je vais l'appeler comme ça, qui est fondé à Londres. Et puis aussi, sur le prochain slide, on a la fondation officielle du mouvement féministe pour la libération des femmes au Royaume-Uni. Alors, pour ces deux mouvements, l'établissement d'une culture imprimée est vraiment très important afin de faire circuler leurs idées, bien sûr. Mais la presse est devenue aussi, comme on a vu dernièrement, un endroit où la créativité des militants et militantes pourrait se manifester. Et ici, dans le cadre du mouvement pour la libération des femmes, on voit une affiche du Sea Red Women's Workshop, qui est un collectif des imprimeuses qui font plein d'affiches et des petits trucs imprimés en soutien du mouvement féministe et lesbien, parfois au Royaume-Uni. Et ce qui montre cet mélange entre le militantisme et la création artistique. Alors, non, je ne sais pas. Comme dans les autres mouvements semblables dans les pays de l'Ouest à cette même époque, les lesbiennes sont un peu marginalisées, soit d'un côté par les hommes gays, soit de l'autre côté par des femmes hétéros. Et du coup, on voit des femmes qui créent leur propre groupe, militantes ainsi que sociaux. Arena 3 est disparue en 1971 et Sappho le remplace l'année suivante. C'est une revue qui est créée à partir par des membres et contributrices de Arena 3 qui continuent le travail. Alors, mais ce qui est important ici, c'est que les buts du mouvement ont changé. Le but des communautés lesbiennes a changé. Et c'est non plus le but n'est plus de créer une communauté ou de créer en vue des lesbiennes respectables qui peut entrer en dialogue avec les médecins, des personnes qui font de la recherche, des professeurs, mais c'est de créer une communauté en soi pour des lesbiens, à part des lesbiens, ce qui reflète les nouveaux enjeux des années 70. Alors, il y a environ une centaine de numéros de Sappho, parce que c'était en revue mensuelle qui a duré 9 ans et demi, presque 10 ans. Et tous les numéros débordent des reportages, des interviews, des essais, des critiques, des nouvelles, des petits récits personnels. Mais je vais vous parler aujourd'hui juste du côté visuel et quelques extraits, quelques images en particulier. Et je vais répartir en trois catégories, les bandes dessinées, les beaux-arts et les photographies. Alors, et juste en toute petite note avant de commencer à feuilleter les pages de Sappho, je voulais mettre en comparaison avec d'autres titres, d'autres périodiques, aussi faits par ces mouvements militants. On a tout à gauche le newsletter du GLF qui s'appelait Come Together. Le GLF existait que pendant trois ans et demi. Mais c'était très très important pour le mouvement homosexuel au Royaume-Uni. Du coup, cette newsletter très politique, on peut voir avec le titre même, Come Together, qu'on peut traduire par Unissons-nous peut-être, ça demande une action à ses lectoristes de sortir du placard, de se retrouver. Et puis au centre, à droite, on a deux périodiques très importants du mouvement pour la libération des femmes au Royaume-Uni. Au centre, on a Shrew, c'est un mouserègne littéralement, mais aussi une femme méchante, comme dans la pièce de théâtre de Shakespeare, The Taming of the Shrew. Et puis on a Spare Rib, on voit le titre est un peu coupé là, mais Spare Rib fait référence à la mythe, la création d'Ève, première femme dans la Bible, qui est créée à partir d'une côte supplémentaire, une côte d'Adam. Du coup, ces derniers titres sont plutôt ironiques. Dans ce contexte, on a Sappho qui est beaucoup plus neutre, on peut dire, ou peut-être pas neutre, mais ce qui ne demande pas une action concrète, qui ne fait pas référence à une représentation des femmes péjorative, négative. Mais ça nous montre à quel point la revue s'intéresse à cette idée de créer une culture, de prendre après. On a beaucoup discuté là, l'antiquité grecque aujourd'hui, de reprendre, de réinvestir dans cette création d'une culture lesbienne. Alors, en termes d'image, je vais commencer juste par ces deux petites caricatures, et puis on a des bandes dessinées aussi. Ici, on a des extraits de deux numéros de cinquième volume. On a des caricatures politiques. Je commence à gauche, on a un dessin fait en réponse à un reportage sur le groupe conservateur pour l'égalité homosexuelle qui est apparu dans le numéro précédent. On a une femme qui regarde avec beaucoup d'adoration une affiche qui montre Margaret Thatcher, qui n'est pas encore la première ministre, mais en ce moment, en 77, la chef du Parti conservateur. Et on voit peut-être son père, un vieux homme, en tout cas, qui lui dit « Je m'en fous si elle est un Tory, c'est malsain. » Alors on peut imaginer que quelqu'un lui a dit « Il faut trouver un homme conservateur à qui se marier. » Elle a trouvé quelqu'un du parti de droite, mais ce n'est pas un homme. Et puis on a à droite un commentaire sur la famille royale, aussi publié en 77. On voit une lesbienne un peu dégonflée, assise au bar, et ses amis à côté d'elle qui dit « L'accouchement royal était un vrai choc. » Alors, c'est certainement en réponse à la princesse Anne qui a donné naissance à son premier enfant cette même année. Et J'avoue que je n'ai pas une explication très précise sur cette blague, mais on sait que la princesse, elle était très chic, elle était très jeune, elle était énormément fan des chevaux. Du coup, peut-être il y avait des suspicions, un blague interne des lesbiennes qui ont pensé peut-être qu'elle aurait pu être lesbienne. J'en sais pas, mais peut-être c'est juste ironique. Mais ce qui est important ici, à mon avis, c'est on voit la création des blagues partagées. On voit le développement d'un sens d'humour qui est spécifiquement lesbienne. Et puis, il y a une autre blague semblable. On voit ici en bas à gauche qui est apparue en 81 qui dit « Don't do it, die ». Ça, c'est juste avant le mariage de la princesse Diana avec Charles. Ne le faites pas. Alors, une espèce d'appel au secours par des lesbiennes. Alors, ce qui est important ici, ces caricatures ne sont pas sorties vraiment du milieu lesbienne, mais on peut constater que ce qui est important, qu'on voit, il y a un développement d'une perspective lesbienne qui a partagé sur les actualités politiques. Et c'est là Reiki d'abord qui a une dessinatrice lesbienne qui crée le blague, et puis qui a un public qui le recevra, le comprendra, et puis qui a un espace qui met les deux en relation, la public et la dessinatrice. Alors, il y a aussi des bandes dessinées plutôt classiques qui apparaissent assez régulièrement. Dans les premiers numéros, on voit ici, c'est le tout premier numéro de Sappho, on a Mabel et Mildred, un couple assez stéréotypement butch femme qui apporte un égard satirique sur ce type de relation qui devient de moins en moins populaire au Royaume-Uni pendant les années 70. Alors, ces BD, on peut dire, sont dessinés dans un style assez brut, c'est pas hyper joli, pas très professionnel, et les blagues non plus sont pas très compréhensibles à mon avis, sont pas très originales, mais comme dans le mouvement des arts féministes, ce qui compte ici, c'est le fait que ce sont des femmes et des lesbiennes qui ont fait ce travail elles-mêmes. C'est le travail d'une femme ordinaire, pas une professionnelle, et du coup c'est un partage très intime entre amis, quoi. Plus tard, dans le cinquième volume, on a une nouvelle BD, Les Aventures de Cindy, qui a sa page dédiée, presque dans chaque numéro. Et du coup ici, on sait que c'est fait par Kate Charlesworth, qui est un BDiste aujourd'hui assez connu, pas assez connu que Alison Bechdel, mais elle a ses livres à elle. Du coup, dans chaque épisode, Sandy fait face aux problèmes quotidiens dans la vie, dans l'amour, mais aussi elle fait face à des grands problèmes sociaux, l'homophobie et la discrimination au travail. Mais le tout avec humour, bien sûr. Et en termes de style, on peut constater que c'est beaucoup plus joli, professionnel. Et puis, du coup, ce développement en termes de qualité, de style, même de contenu, de qualité, de blague, nous fait signe au fait que Sappho est devenu un lieu où les lesbiennes peuvent exprimer leur créativité, mais aussi une espèce de laboratoire, on peut dire, où sont créées des références et des blagues partagées. L'humour change, il devient plus sophistiqué, qui reflète mieux les vies des lesbiennes qui lisent Sappho, qui sont de plus en plus éloignées de la culture des années 60, des relations butch-femme. Et visuellement, on constate aussi qu'il y a de plus en plus de place dédiée aux créations visuelles, d'un coin en bas de page jusqu'à une page entière. Alors, et je continue avec ce qu'on peut appelés les beaux-arts. On retrouve par exemple plusieurs fois des œuvres, des reproductions des œuvres par l'artiste suédoise Monica Rhö. Elle a vécu presque toute sa vie au Royaume-Uni, du coup elle est suédoise mais aussi britannique, en guillemets. Elle a vécu à Bristol, qui est dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et son œuvre est marquée par son affinité pour les religions matriarcales et des déesses. Et du coup, on voit ici son tableau le plus célèbre qui s'appelle God Giving Birth, qui représente une femme noire en train de donner naissance à un enfant entouré par des planètes. Alors, lors des premières expositions de ces tableaux au Royaume-Uni en 70 et 73, toujours dans le cadre des expositions des arts féministes, le tableau a été confisqué, soit appelé blasphématoire, soit censuré. Et du coup, c'est assez typique des travaux de Monica en termes de style. Mais avec toute cette histoire d'être censuré, il est devenu une icône du mouvement de l'art féministe. Mais ce qui est noté beaucoup moins souvent, c'est la participation de Monica au mouvement homosexuel au Royaume-Uni et aussi un peu en Suède. Elle était bisexuelle officiellement, mais elle a vécu des soi-disant périodes lesbiennes. Du coup, elle s'identifiait en tant que lesbienne à un certain moment dans sa vie. Du coup, on voit ici le newsletter du groupe qu'elle a co-fondé, le Bristol Gay Women's Group. Elle a fait plein d'écritures et plein des illustrations, on voit ici à droite, pour cette newsletter qui était importante dans son région, mais très, très locale. Alors, et c'est ici qu'elle publie, entre autres, son manifeste « La nouvelle art des femmes » ou « La renaissance de la culture féminine ancienne », où elle parle des cultures matriarcales et de l'art féministe, bien sûr. Alors, Sappho reproduit cet article accompagné par une copie en encre de « God Giving Birth » sur deux pages au centre du magazine. On peut déchirer, mettre comme une affiche. Alors, Sappho a évidemment une audience bien plus large que celle de Move, qui est plutôt en petite taille. Sappho circulait tout autour du Royaume-Uni et puis aussi en Europe, dans d'autres pays anglophones. Alors, le fait de reproduire ce manifeste et ce tableau, et on fait le manifeste et genre 6 pages, rend les deux beaucoup plus accessibles et aussi, ça affirme l'importance de la pratique artistique de Monica et l'importance des arts féministes lesbiens. Et tout ça est aussi très important pour un artiste qui a été censuré. On voit donc un soutien actif qu'apporte Sappho aux artistes féministes et lesbiens. Et on voit encore un tableau, une œuvre de Monica reproduit dans un autre numéro. Cette fois-ci, c'est juste un accompagnement, une illustration d'une poème. Et au centre, on voit dans ce tableau « Our Bodies, Ourselves », il y a un couple des deux femmes nues qui s'embrassent. Du coup, c'est assez ouvertement une expression de lesbianisme. Le magazine devient ainsi un endroit où exposer des œuvres d'art hors des institutions dites traditionnelles, comme des musées et des galeries qui sont homophobes et même à cette époque sexistes. Et du coup, ça devient importante pour des artistes de trouver des endroits alternatifs où exposer ou partager leurs travaux. Et on peut lire Sappho et d'autres périodiques, la presse lesbienne, comme des espèces de galeries itinérantes. La poésie apparaît assez souvent dans Sappho, dans quasiment chaque numéro. Et les poèmes sont souvent accompagnés par des illustrations, comme ici, mais normalement, ils sont faits par des artistes anonymes. Et du coup, pour l'instant, je n'ai pas d'hypothèse ici s'ils ont été faits par des lectrices, s'ils ont été envoyés avec des poèmes, s'ils étaient faits par des membres du collectif qui a fait Sappho, qui a créé le magazine. Et contrairement aux BD qu'on a vu tout à l'heure, ils ne sont pas des images explicitement lesbiennes. Et on peut noter aussi qu'il y a des styles très, très variables entre... que deux exemplaires ici. Il n'y a pas d'identité visuelle du magazine à qui il faut adhérer obligatoirement. Sappho représente ainsi un lieu accueillant du travail des artistes amatrices qui proposent un lieu de partage entre femmes très intime où toutes les perspectives, toutes les voix le sont bienvenues. Et si le travail n'est pas toujours très professionnel ou réussi ou un peu DIY, c'est parce que si on constate que n'importe qui aurait pu créer telle ou telle œuvre, c'est en fait parce que c'était fait par des femmes ordinaires pour plaire aux autres femmes ordinaires. Et puis, finalement, je vais juste toucher sur la présence de la photographie dans Sappho. On trouve parfois des portraits des personnes, des acteurs clés qui illustrent des interviews, etc. Mais ce qui m'intéresse plus, ce sont des collages. Et on voit ici un collage qui résume un peu la marche de fierté en 79. Et on voit ici qu'il ne s'agit pas d'un simple montage des photographies très carrées, très simples, mais un vrai collage avec, on a à gauche au fond un petit camion qui est découpé, on a aussi à droite des petites annotations, comme on a vu tout à l'heure, avec des gens qui disent « Will you marry me ?» Et on constate que les personnes qui ont monté ces pages se sont bien amusées en le faisant. Qu'elles donnent aussi leur interprétation plutôt affective, émotionnelle, et ce n'est pas simplement journalistique, objectif. Il y a d'autres collages aussi qui sont présentés hors du cadre des articles ou des événements, ils sont juste présentés en soi comme une œuvre d'art ou comme une intervention photographique peut-être. Et ils sont souvent au centre du magazine. Et ici, on a un avec un petit titre, on voit à peine « Studies of Women », études des femmes. Et l'implication ici, c'est que ce sont des lesbiennes, bien sûr. Et on voit aussi, je note une autre affiche de CRED, Women's Workshop, qu'on voit au fond, qui était fait spécifiquement pour des lesbiennes. Ouais. On a aussi notre collage Meeting and Marching, réunion et manifestation. Et ce que je note ici, c'est comment elles ont organisé des images afin de mettre autant des visages possibles, autant des lieux. On voit le bar où auraient lieu les réunions de Sappho, de la groupe qui la magazine a créée. Alors, et comme beaucoup d'entre vous connaissent déjà, ce qui est vraiment important pour un mouvement, pour des communautés marginalisées, c'est la représentation. Parce que les arts féministes, ce sont bien, les BD aussi, l'humour, mais ce qui est vraiment important à cette époque où les mouvements essaient de faire sortir des gens du placard, où elles essaient de créer une communauté, il faut prouver que des lesbiennes existent et qu'elles peuvent avoir des apparences diverses. Alors, je pense que, ouais, je laisse juste avec une petite citation d'un livre que j'ai avec moi, si quelqu'un veut le feuilleter. Ce qui est fait par une photographe, en fait, on voit quelques de ses photographies ici, Angela Stewart Park. Elle a fait un livre, à mon avis, un peu semblable à celle de Jeb, si on le connaît, ce qui s'appelle « We're Here, Conversations with Lesbian Women ». Et elle dit justement que, j'ai traduit ici, « S'il y avait eu un seul livre que nous ait montré d'autres lesbiennes qu'elle fait ici avec des portraits des lesbiennes et des interviews, y compris Monica Rue, qu'on a vue tout à l'heure, elle est dans ce livre. S'il y avait eu un seul livre qui nous ait montré d'autres lesbiennes qui aient parlé d'elles, de nous et de notre sexualité, nous nous serions sentis moins seuls. Alors, je vais laisser là. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Sarah, pour cet aperçu de l'humour britannique lesbien tout particulier. Et donc, on accueille maintenant Marie-Laurin Hervé. Pour clôturer cette journée, c'est la dernière présentation. Donc Marie est maîtresse de conférence en études ibéro-américaines à l'Université Bordeaux-Montaigne depuis septembre 2024. Elle a soutenu en décembre 2023 une thèse intitulée « Histoire et usage d'une pratique militante, la bande dessinée au prisme des imprimés féministes et homosexuels en Argentine, de 1973 à 2009 », sous la co-direction de Claire Latzag et Raphaël Esteve. Elle travaille sur la bande dessinée, les questions de genre et de sexualité et l'Argentine. Je lui laisse la parole. Merci Marie. Merci beaucoup pour la présentation et merci pour la journée qui est passionnante. Il va y avoir probablement pas mal d'échos dans ce que je vais dire avec ce qui a été dit juste avant. Donc moi, effectivement, j'ai consacré ma thèse de doctorat en études hispaniques, enfin en études hispano-américaines pour mon cas, à l'histoire et aux usages du format bande dessinée dans les imprimés militants publiés en Argentine, et plus précisément à Buenos Aires, entre les années 70 et les années 2000. Ces recours militants à la bande dessinée constituent un phénomène qui parcourt des dizaines, sans doute des centaines d'années, qu'on retrouve dans différents pays du monde avec des circulations internationales assez intenses et sur plusieurs décennies. On a pu en voir des exemples dans les présentations précédentes. En général, quand on feuillette des imprimés militants, on y trouve de la bande dessinée. Et pourtant, à l'heure actuelle, ces imprimés sont à peu près totalement absents de l'historiographie de la bande dessinée, spécifiquement. Moi, le corpus principal sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse n'était pas exclusivement lesbien. Il était composé de 16 périodiques féministes, gays, lesbiens, et puis un peu plus tardivement LGBT et puis trans spécifiquement, auxquels s'ajoutait aussi un ensemble plus disparate de tracts, d'affiches, de programmes, de fascicules édités par différents groupes militants. Parmi tous ces périodiques que j'ai étudiés, 4 étaient spécifiquement lesbiens et plusieurs autres abordaient les questions lesbiennes de façon plus ponctuelle. Et c'est évidemment sur ce volet lesbien de mon travail que je vais me concentrer ici, en le situant néanmoins dans la constellation plus large des pratiques militantes et des productions parmi lesquelles il s'inscrivait. Pour donner donc à entrevoir cette constellation, je vais commencer par quelques éléments de contextualisation internationale et d'explication du choix des années 70 comme point de départ de mon travail. Et puis je parlerai ensuite plus spécifiquement du cas des imprimés lesbiens argentins et je terminerai en expliquant pourquoi ce cas particulier de l'Argentine me semble intéressant pour penser cette question-là de la bande dessinée dans les imprimés militants. Si j'ai donc choisi de faire débuter mon corpus dans les années 70, c'est parce que cette période marque une intensification et une systématisation de pratiques de recours à la bande dessinée dans les imprimés militants, qui est en réalité déjà ancienne, qui est bien établie à ce moment-là. Si on voulait en retrouver les débuts, il faudrait remonter au début de la bande dessinée elle-même, c'est-à-dire à la fin du 19e et début du 20e. Mais en tout cas, à la fin des années 60, début des années 70, on a un tournant qui s'opère. Dans les imprimés féministes, comme dans les imprimés gays et lesbiens, le recours à la bande dessinée s'intensifie et s'accompagne aussi de discours réflexifs qui commencent à théoriser son usage et à la revendiquer comme outil de lutte intéressant. On a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. D'abord, alors là je vais le dire de façon volontairement très résumée, mais au sein des luttes féministes et homosexuelles, l'idée de visibilité ou de publicité prend une place importante à ce moment-là. Il s'agit pour les féministes dites de la deuxième vague de faire émerger des réalités qui étaient confinées à la sphère de l'intime, et puis pour les mouvements gays et lesbiens d'opposer une idée de coming out à l'injonction à la dissimulation. Et puis, par ailleurs, ces différentes luttes s'inscrivent aussi dans une constellation plus large de mouvements de libération qui se mettent à formuler à ce moment-là, de façon globale, à la fois une critique de la culture de masse comme outil d'acculturation à la domination, et puis un appel à détourner, à récupérer les objets de cette culture de masse pour en subvertir l'efficacité qui est donc remarquée en elle. La bande dessinée, donc, à ce moment-là, est devenue déjà une industrie culturelle importante et, à ce titre, elle est promue au rang d'outil intéressant pour communiquer. À titre d'exemple, pour en donner deux assez emblématiques, en France, puis dans différentes parties du monde, puisque c'est un mouvement qui a un peu des antennes un peu partout, dont en Argentine, les situationnistes promeuvent le recours à la bande dessinée comme moyen de mobiliser des foules toujours plus grandes, de communiquer. Ils promeuvent l'idée du détournement. Et aux États-Unis, on a aussi les Black Panthers qui vont affirmer la nécessité tactique pour tout artiste révolutionnaire, c'est leur mot, de maîtriser les formes de ce qu'ils appellent l'art commercial pour mobiliser les foules avec l'idée qu'un art révolutionnaire ne devrait pas chercher à faire beau, mais à faire efficace. Donc dans de nombreuses revues, au sein de nombreux collectifs, à ce moment-là, des appels à collaboration se mettent à être de plus en plus nombreux à destination d'auteurs de bande dessinée, d'autrices de bande dessinée, amateurs, amatrices ou confirmés, déjà publiés dans des revues professionnelles. Ces grandes tendances donc, que j'ai ébauchées à l'échelle internationale, elles se manifestent aussi en Argentine, avec toutefois un double décalage temporel, un décalage assez léger pour ce qui concerne l'intensification de ces pratiques au sens large dans les années 70, et un décalage un peu plus important pour ce qui concerne leur application spécifiquement lesbienne, j'y reviendrai ensuite. C'est un décalage qui est très largement imputable à la situation politique du pays à ce moment-là, puisque si on a bien en Argentine des luttes de libération qui apparaissent, qui sont insérées dans ce contexte international, le pays est aussi, dans les années 70, dans un contexte qui est hautement autoritaire, puisque entre 66 et 73, puis entre 76 et 83, l'Argentine connaît deux dictatures qui sont particulièrement violentes et meurtrières, qui mobilisent des discours de restauration de l'ordre moral. Et donc cette violence et ces discours de restauration d'un ordre moral vont aussi caractériser les gouvernements qui s'installent entre 73 et 76, donc dans cette entre-deux dictatures. Donc on a à ce moment-là un contexte autoritaire assez continu. Et d'ailleurs, en 75, dans une période a priori démocratique, émane même du gouvernement argentin, d'une structure paramilitaire proche du gouvernement argentin, un appel littéral au meurtre des gays, des lesbiennes et des féministes. Évidemment, dans un tel climat, l'activité militante est extrêmement risquée. Celles et ceux qui la maintiennent ou qui l'initient sont contraints à la clandestinité, souvent aussi à l'exil. Et donc, entravés dans le développement de stratégies locales, il est temps d'aborder les discours et les pratiques qui sont élaborées ailleurs, non pas seulement comme des pratiques interlocutrices, mais aussi comme des éclaireuses, comme des boussoles qui permettent d'avoir des choses à transposer localement, à défaut d'avoir l'espace suffisant de développer des pratiques véritablement locales à ce moment-là. Cette connaissance des discours et des pratiques développées à l'étranger, notamment en matière de production d'imprimés, en général, elle est rendue possible ou bien par l'exil que j'ai mentionné, ou bien par des circulations qui sont permises par certaines trajectoires bourgeoises, dont on peut donner quelques exemples marquants pour l'un et l'autre de ces cas, en commençant donc par l'exil. En 68, deux couples partent ensemble en exil à New York. L'un est formé par la poétesse et militante trotskiste Martha Ferro et sa compagne Alicia Asper, et l'autre par le poète Néstor Latronico et le graphiste Juan Carlos Vidal. Sur place, ce groupe d'amis assiste aux révoltes de Stonewall, participe aussi avec exaltation à la première marche dite de libération gay l'année suivante, publie des textes et des dessins dans différentes revues de libération de ce moment-là, tisse des liens avec les Black Panthers, avec les portoricains des Young Lords, et puis avec des différents collectifs de graphistes révolutionnaires donc qui produisent des images pour ces mouvements. Ensemble, ils et elles fondent aussi un collectif nommé Révolution Gay du Tiers-Monde, qui est destiné aux communautés latino-américaines et noires de New York, et lancent aussi une revue destinée à ce même public, donc la revue Afuera. Dans chacune de ces expériences, l'enjeu de la visibilité, de la production d'images est toujours central. Et tout ça fait qu'en 1973, lorsque parvient jusqu'à New York la nouvelle de la formation clandestine à Buenos Aires d'un front de libération homosexuelle, le FLH, Néstor Latronico est très enthousiasmé par cette nouvelle et décide de rentrer en Argentine pour pouvoir intégrer ce front de libération et tout de suite avec l'idée de pouvoir doter ce front de libération d'une revue illustrée qui lui semble être un élément important. Il le fait et dès 73, donc cette revue existe, c'est la revue Somos, qui est la première revue homosexuelle illustrée du pays. Et elle est notamment illustrée, pas seulement, mais en partie, par un dessinateur professionnel donc, qui a été formé à la bande dessinée, au dessin de presse, qui travaille dans la presse, qui est Dante Bertini, que Néstor Latronico travaille lui-même à aller convaincre, non sans mal, et qui accepte de collaborer sous pseudonyme. À la même période, le format bande dessinée est également mobilisé dans de nouveaux imprimés féministes. Deux femmes issues des classes supérieures, Maria Elena O'Donnell et Maria Luisa Bemberg, fondent respectivement un mouvement de libération féminine, donc le MLF argentin, et une union féministe argentine, aussi connue comme UFA. Et au sein de ces mouvements, elles font circuler des imprimés militants qui proviennent de régions occidentales où elles ont séjourné, où elles ont établi des contacts du fait de leur trajectoire bourgeoise. Et donc, lorsque O'Donnell lance la revue du MLF, Persona, elle fait réaliser pour cette revue une série de bandes dessinées qui met en scène une fillette confrontée au mécanisme de l'acculturation précoce à la domination masculine, donc Feminita, qu'on voit à gauche. De son côté, Bemberg va aussi payer de sa poche les services d'un dessinateur professionnel pour pouvoir faire des tracts qui aient un aspect bande dessinée pour la UFA, donc notamment celui qu'on voit au milieu qui est distribué en 70 à l'occasion de la fête des mères. Et puis, un peu plus tard, en pleine dictature, Martha Ferro, qui est donc rentrée de New York, parvient aussi à faire paraître, le temps de 3 numéros, une revue féministe intitulée Todas, qu'elle va elle aussi doter d'une série de bandes dessinées dont elle dit dans l'éditorial du premier numéro qui lui semble d'emblée être un élément très important. Dans ces imprimés des années 70, les lesbiennes sont à la fois absentes et présentes. Elles sont absentes parce que leur voix n'y est pas réellement discernable. Il n'y a pas à proprement parler de discours lesbien dans ces revues. Et c'est là le second décalage temporel que j'ai évoqué plus tôt, puisque si faire entendre un discours lesbien était déjà difficile en France, par exemple, dans les mouvements homosexuels et les mouvements féministes, on s'imagine bien qu'en Argentine, dans ce contexte autoritaire, ça l'est d'autant plus. Et malgré ça, les lesbiennes font quand même partie de ces processus à plusieurs titres. Elles y sont aussi présentes. D'une part parce que les productions lesbiennes qui sont élaborées ailleurs dans d'autres pays font partie des références mobilisées pour la confection de ces imprimés. Donc elles existent en tant qu'inspiration. Et puis d'autre part parce que ces groupes sont bien intégrés par des lesbiennes, voire même pour le cas de la revue éditée par Martha Ferro, sont fédérées autour de personnalités lesbiennes. Donc en ce sens, ces imprimés posent aussi la question de ce qu'on entend par culture et image lesbienne, puisque dans une mesure certes marginale, ils relèvent déjà de ces cultures et de ces images, à la fois en raison de la présence de militantes lesbiennes dans leur confection, et aussi en raison de leur invisibilité qui constitue un élément de l'histoire de ces cultures et de ces images. Mais donc pour ce qui est des pratiques plus spécifiquement lesbiennes, pour qu'elles apparaissent en Argentine, il faut attendre la seconde moitié des années 80, donc une fois un régime démocratique rétabli. Hop. En 87, inspirée par des militantes lesbiennes étrangères qu'elle rencontre à l'occasion d'événements féministes internationaux, l'Argentine Ilse Fuscova, qui est lesbienne et membre de l'association féministe ATEM, décide d'initier un militantisme spécifiquement lesbien à Buenos Aires, avec Adriana Carrasco et Josefina Quesada, qui sont également membres d'ATEM. Elles fondent les Cahiers d'existence lesbienne, qui est une revue qui mêle du témoignage, de la théorie et une iconographie variée dont fait partie la bande dessinée. Ce sont des bandes dessinées qui sont en général récupérées dans d'autres imprimés féministes et lesbiens étrangers, en général des formats plutôt courts, des strips, des vignettes. Et elles sont là à la fois parce qu'on leur trouve un intérêt en elles-mêmes, elles font rire en général, elles mobilisent des références communes, et puis parce qu'elles donnent à sentir, en tant qu'elles accentuent la variété des formats mobilisés dans la revue, elles donnent à sentir toute l'épaisseur de cette existence lesbienne qu'on essaie de montrer. Elles font ressentir la diversité des formes produites par des lesbiennes. Et d'ailleurs, dans les cahiers, Ilse Fuscova raconte à plusieurs reprises ses rencontres émerveillées avec des collections d'archives lesbiennes à New York, à San Francisco, à Berlin, etc., en insistant toujours sur cette matérialité foisonnante qui l'émeut particulièrement. À quelques mois de distance de la fondation des cahiers, apparaît aussi une autre revue lesbienne qui s'appelle Codo a Codo, donc coude à coude en français. C'est une référence à une chanson d'un duo lesbien argentin des années 80, Sandra y Celeste. C'est une revue qui est cofondée de nouveau par Adriana Carrasco, en parallèle de son activité dans les cahiers, plutôt dans une logique de multiplication des productions que d'opposition, mais en tout cas le Codo a Codo se veut une alternative aux cahiers, plus populaire, plus locale. Donc elle va aussi mobiliser de la bande dessinée, mais plutôt extraite de productions locales comme Mafalda, ici dans un geste qui va être plus proche du do-it-yourself, avec aussi donc des productions très amatrices à côté de ces emprunts. À la suite donc, de ce premier moment d'éclosion des imprimés lesbiens illustrés et des recours à la bande dessinée qui y sont faits, on va aussi trouver quelques gestes ébauchés dans le même sens dans des imprimés homosexuels dans un sens plus large. En 1989, le collectif qui édite la revue Vamos a Andar, qui est déjà coutumière des recours à la bande dessinée, lance un dérivé spécifiquement lesbien à Vamos a Andar Mujer. Et dans cette revue, donc, on voit encore toute l'influence qu'a, toute l'attention qui est portée à la production lesbienne étrangère, ici dans un article sur l'homosexualité paru dans la revue du MLF en France, Le Torchon Brûle. En 1993, le collectif à l'origine de la revue Confidencial Argentina, qu'on pourrait commencer à qualifier de LGBT, consacre plusieurs pages à la publication d'images lesbiennes. Ces images sont extraites et détournées d'une bande dessinée qui est parue dans une revue à grand tirage, Fierro, une revue de bande dessinée, où elles s'inséraient à la base dans un récit voyeuriste qui était destiné à un public masculin. Mais évidemment, dans Confidencial Argentina, elles sont redécoupées, réagencées dans une séquence qui élimine les images de l'homme qui observait la scène par l'entrebâillement d'une porte. Et ces images sont donc appropriées comme images lesbiennes. Ces dynamiques, malgré tout, sont plutôt éphémères, puisqu'elles commencent plus tard que les mobilisations féministes et gays de la bande dessinée. À partir de la fin des années 80, début des années 90, elles sont remplacées par d'autres formes d'action. On va privilégier l'action directe, la mobilisation dans la rue. Évidemment, le contexte de la mobilisation contre le sida n'y est pas pour rien. En 92, on va avoir l'organisation d'une première marche des fiertés à Buenos Aires. Et on a aussi, de manière générale, une espèce de stratégie d'occupation des médias qui se met en place avec différents militants et militantes qui vont essayer de trouver tous les prétextes possibles pour apparaître le plus souvent possible dans les médias, à la télévision, dans la presse, etc. Et ils veulent vraiment qu'on les voit en permanence. On a quand même un bref retour qui est fait au format imprimé et bande dessinée dans les années 2000 avec cette revue lesbienne, Baruchera. Baruchera, ça veut dire bruyante en français. Et cette revue, elle a la particularité de reprendre un format ancien, mais de l'adapter à cette nouvelle dynamique d'aller plutôt parler à un grand public, parce que les conceptrices de cette revue, donc un tout petit groupe lesbien de Buenos Aires, estiment que la revue imprimée, en tant qu'on peut la déposer dans une librairie complice ou l'abandonner négligemment sur la table d'un salon, offre l'opportunité d'exposer à des discours lesbiens des individus qui, sans ce jeu du hasard travaillé, n'y seraient pas forcément exposés, soit par manque de volonté, soit simplement en raison de l'absence manifeste des lesbiennes dans les médias traditionnels. Dans cette perspective, une fonction déterminante d'interpellation visuelle est prêtée à l'image. Les couvertures de Baruchera présentent des femmes qui sont à milieu du stéréotype de la cover girl. Elles sont âgées, elles sont armées, elles exhibent leur poitrine ou leur sexe. Et puis, suivant la même logique d'interpellation visuelle, donc l'une des collaboratrices de la revue, Gaby Díaz-Vicha, imagine une série d'images photographiques et dessinées qui détournent des figures emblématiques de la bande dessinée, ici plutôt pensées comme icônes de la culture populaire, pour en faire des personnages lesbiens et ou trans. Donc ici, on a notamment Mafalda en personnage lesbien. Cette exception mise à part, toutefois, le déclin du recours militant à la bande dessinée sur des supports imprimés est quand même manifeste tout au long des années 2000. Et une forme de point d'arrivée de cette dynamique peut être identifiée dans le tournant des années 2010 pour deux raisons principales. D'abord, pour ce qui est de parler à un large public et de permettre un ralliement communautaire, les blogs et plus tard les réseaux sociaux ont beaucoup pris le relais et puis sont des alternatives moins coûteuses, surtout dans une période de crise économique en Argentine. Et puis d'autre part, on a un renouveau qui apparaît à ce moment-là, donc dans le tournant des années 2010, dans le champ de la bande dessinée. Tout à coup, on se met à voir, pour des raisons que je n'aurai pas le temps d'expliquer, toute une série de productions féministes, LGBT, qui va prendre vraiment une place centrale dans la production, et c'est toujours le cas aujourd'hui, dans la production de bande dessinée en Argentine. Et c'est un phénomène qui est complètement nouveau. Il s'était produit en Amérique du Nord, en Europe, dans les années 70, mais en Argentine, c'est encore une première à ce moment-là. Et ça a la particularité, cette émergence, de n'avoir aucun contact avec toutes les décennies de productions similaires qui ont été faites dans le cadre militant avant. Les artistes qui émergent à ce moment-là ne viennent pas de la tradition militante et même souvent n'en ont absolument jamais entendu parler, ne savent pas que ça existe. Cette absence de lien entre l'une et l'autre des bandes dessinées participe alors à la disparition des usages de la bande dessinée dans les imprimés militants, cette fois-ci d'un point de vue discursif, historiographique, parce qu'à ce moment-là, des discours théoriques et journalistiques se mettent à parler d'une naissance de la bande dessinée féministe et LGBT argentine dans les années 2010. Et évidemment, la pertinence de cet acte de naissance est tout à fait défendable du point de vue de l'histoire du champ, où ça n'avait pas existé. Mais elle entérine aussi indirectement l'idée qu'aucune forme de bande dessinée féministe et LGBT n'a existé avant, ailleurs. Quelques voix ont bien tenté de valoriser ces productions, mais elles l'ont fait en insérant ces productions dans des histoires, voire dans des généalogies de la bande dessinée féministe et LGBT, de façon très indifférenciée et donc un peu artificielle au regard de l'absence de contact véritable qu'il y a eu entre ces pratiques. Ce problème historiographique, en réalité, ne concerne pas que l'Argentine. Même dans des régions où un contact a existé entre production militante et champ de la bande dessinée, les deux tendances suivies par les discours qui ont tenté de faire une place aux pratiques militantes dans l'histoire de la bande dessinée n'ont pas davantage permis de rendre pleinement compte de leurs spécificités. La première de ces tendances, elle a été proche de celle esquissée en Argentine. Elle a consisté à homogénéiser sous une même catégorie bande dessinée LGBT toute la production qui allait dans ce sens, qu'elle ait été produite pour le champ de la bande dessinée ou dans un cadre militant. Et la seconde de ces tendances, elle a reposé plutôt sur une logique rétrospective, c'est-à-dire qu'à partir de l'histoire de l'émergence de la bande dessinée LGBT telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'on la connaît aujourd'hui, on est allé exhumer dans les imprimés militants les œuvres de jeunesse des auteurs et des autrices qui sont parvenus à une forme de postérité. Évidemment, l'exemple paradigmatique, c'est Alison Bechdel. Mais ça pose le problème qu'on ne pose pas la question de ce qu'était la place de ces œuvres dans les imprimés qui les publiaient au moment où ils les publiaient, qui n'étaient pas forcément à destination du champ de la bande dessinée. Et donc l'un des éléments qui m'ont intéressé dans le cas de l'Argentine, c'est qu'il rend impossible la réplique de ces tendances historiographiques, puisque l'une et l'autre des pratiques concernées, donc dans le champ militant et dans le champ de la bande dessinée, n'ont ni coexisté ni débouché l'une sur l'autre. Le cas de l'Argentine impose en quelque sorte de penser autrement la relation entre ces pratiques, qui, si elle n'est pas faite de contact direct, existe néanmoins, puisqu'on parle du même médium. L'histoire de la façon dont les imprimés militants se sont emparés de la bande dessinée le montre. Les liens entre les luttes minoritaires et la bande dessinée ne se résument pas à l'investissement du champ de la bande dessinée par les luttes minoritaires. Ils résident aussi dans les effets avérés ou recherchés de la bande dessinée sur la condition des populations minoritaires. Et on peut se dire que si on comprend ces liens de cette façon, ils sont finalement aussi vieux que l'existence de la bande dessinée elle-même, c'est ce que je disais plus tôt. Et il concerne aussi bien les mobilisations de la bande dessinée par ces catégories minoritaires que les mobilisations de la bande dessinée qui sont faites contre ces catégories minoritaires, puisqu'on trouve aussi de la bande dessinée dans les revues destinées aux forces de police, dans les revues militaires, dans les revues de différents partis politiques qui ont réprimé l'homosexualité, etc. C'est aussi un outil mobilisé par ces idéologies-là. Donc en guise de conclusion ici, moi deux éléments m'ont semblé particulièrement enthousiasmants dans l'étude de ces productions. D'abord la possibilité évidemment de contribuer à une dynamique de redécouverte d'archives militantes qui en Argentine a été initiée de façon assez récente. Et puis ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est toutes les questions d'ordre historiographique que ces archives soulèvent pour le domaine des études de la bande dessinée. Elles interrogent en particulier la persistance d'un paradigme anti-utilitariste qui conduit à écarter d'emblée de l'histoire de la bande dessinée les productions qui ont une vocation d'abord militante ou qui ne sont pas immédiatement destinées à faire émerger des figures auctoriales ou des avant-gardes. Ce sont aussi des productions qui invitent à dépasser la question de la représentation des sujets minoritaires dans la bande dessinée, qui est une question qui tend à faire de la bande dessinée un objet hors du monde, qui reflèterait le monde ou dans lequel on témoignerait du monde, mais qui n'aurait pas d'impact direct. Et en fait, elles permettent, à mon sens, et je m'arrêterai là-dessus, de penser plus largement les liens qui peuvent être entretenus entre une discipline culturelle et une histoire des luttes. Merci. Merci beaucoup, Marie, pour nous avoir montré la profusion de cette production militante argentine. J'ai demandé aux participants du panel de revenir sur scène. pour faire des petits retours et après je vous poserai une question transversale et on laissera la parole au public. Je vais commencer par Julo et Camille. Merci d'avoir montré comment les affinités amicales peuvent structurer nos pratiques artistiques ou de recherche. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de faire ici. Le passage sur la question du glanage, j'ai trouvé particulièrement intéressante la question du glanage, qui est une pratique qui me semble intéressante parce qu'elle permet vraiment de poser la question des conditions matérielles d'existence des images et des revues. En l'occurrence, c'est le travail de bibliothécaire de certaines des éditrices de Clip 007 qui leur permet de collecter toutes ces images. Il y a aussi quelque chose un peu de l'ordre du vol ou du piratage des images qu'elles récoltent pour ensuite les détourner, se les réapproprier et les mettre au service de leurs propos. Il y a aussi quelque chose de très DIY dans la façon de faire. Après, j'imagine qu'il s'agit de pratiques pirates qui étaient possibles à l'époque parce qu'il y avait moins de canaux de diffusion et du coup, il y avait plein d'images qui étaient disponibles et donc plus facilement appropriables, notamment juste par la photocopieuse. Et aussi qu'on se posait moins la question du droit d'auteur. Donc je me demande dans quelle mesure l'époque a pu conditionner cette possibilité de glanage, si vous voulez y répondre après. Sarah, c'était une présentation vraiment passionnante, notamment dans la façon dont tu as montré que la presse est l'occasion de développer une culture visuelle lesbienne, mais aussi une culture de l'humour, qui n'avait pas d'espace où se construire auparavant. Ça montre notamment l'importance de l'audience pour ce qui est des imprimés lesbiens. En l'occurrence, ici, l'audience qui reçoit ces productions, c'est la même que les personnes qui les créent, à savoir des personnes lesbiennes, ce qui garantit une bonne réception et du coup la possibilité de construire une culture humoristique lesbienne spécifique. Tu as également parlé de l'importance de la presse un peu comme soutien économique et aussi comme plateforme pour les artistes lesbiennes qui offrent potentiellement à ces artistes les conditions d'une existence matérielle. Et t'en as pas parlé, mais je me demandais si elles étaient rémunérées, par exemple. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que tu abordes la question de l'appropriation, notamment quand tu dis qu'il n'y a rien de spécifiquement lesbien dans ces images. Et c'est justement l'appropriation des images par les éditrices du magazine et leur association avec d'autres codes de la culture lesbienne qui en font quelque chose de lesbien. Ça traduit vraiment l'idée que notre culture, c'est une culture de la réappropriation, du détournement, de l'interprétation, qui nous permet ensuite de construire notre culture lesbienne quand on n'a pas nécessairement d'histoire et de généalogie à laquelle se rattacher. C'est aussi quelque chose qu'on a observé dans les imprimés militants argentins. Marie, quand tu as parlé notamment de la revue Confidential Argentina, qui a publié ces images détournées d'une BD à grand tirage qui était destinée à un public masculin voyeuriste et qui a ensuite été appropriée comme représentation lesbienne. C'est intéressant parce que ça soulève la question aussi de ce qui est réappropriable. La réappropriation des images, elle semble dans un premier temps peut-être plus évidente que celle des espaces. Tu dis que dans la seconde moitié des années 90, il y a un peu un abandon des imprimés au profit d'une réappropriation des espaces, mais du coup les images sont vraiment ont vraiment cette capacité à être réappropriées facilement. Et je trouve aussi très pertinent l'idée que les imprimés militants des années 70 permettent de poser la question de ce qu'on entend par culture et image lesbienne, parce que comme tu l'as dit, ils en relevaient déjà d'une certaine façon. Même s'ils n'étaient pas spécifiquement lesbiens, il y avait cette présence de militantes lesbiennes dans leur confection. C'était des imprimés qui abordaient des questions qui concernaient aussi l'identité lesbienne. Donc ça permet vraiment de relativiser cette idée de notre invisibilité en nous interrogeant sur les endroits où on va chercher cette culture qui existe déjà quand on sait la percevoir. Aussi le fait qu'il n'y ait pas les mêmes modalités de recherche quand on regarde aux États-Unis ou en Argentine. Donc ça permet de dépasser, comme tu dis, cette dichotomie entre absence et présence de voix minoritaires dans la bande dessinée. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'idée que la BD et les revues imprimées, c'est un peu un outil d'une pratique de la dissémination qu'on peut déposer un peu partout pour toucher un maximum de personnes. Donc j'ai un peu une question ouverte pour tous les quatre, qui prend en compte la pluralité de provenance et de création des images qu'on vient de voir, et qui concerne la question de la fonction des images et de leur fonction utilitaire. J'ai l'impression que l'étude des images au sein de la presse lesbienne, parfois elle semble permettre juste enfin, dans une certaine mesure, un questionnement essentiellement sur la visibilité, sur la visée utilitaire de ces images. Par exemple, dans Clit 007, avec le glanage, c'est des images qui sont utilisées pour ce qu'elles représentent, parfois avec un détournement, mais principalement pour leur fonction d'illustration. Aussi, pour Clit, il y a un peu une espèce de boulimie des images qui sont vraiment accumulées sur certaines pages, et des fois, ça en devient presque plus lisible. Ce qui est assez différent de la presse commerciale. Donc je me demande finalement quelles fonctions ont ces images. Dans Sappho, ça pose aussi cette question, notamment le fait qu'il y ait plusieurs médiums, notamment beaucoup de beaux-arts ou de photographies, comme tu disais, Sarah. Donc est-ce que les images dans la presse ont une fonction qui est autre que utilitaire? Tu parlais aussi de l'incertitude quant à la provenance des images quand elles sont associées à un poème ou autre dans la publication. On ne sait pas vraiment si c'est le fait des artistes ou des éditoristes de la revue. Donc est-ce qu'à nouveau l'image n'est utilisée que pour sa fonction utilitaire? Marie, tu semblais un peu vouloir contredire cette idée de... Enfin, aller contre une narration anti-utilitariste des images. Donc je me demande aussi ce que tu penses de cette question. Et du coup, ce que ça implique dans vos méthodes à chacun, chacune, comment on appréhende ce phénomène, quelles sont les grilles de lecture qu'on choisit pour aborder ces images. Je réponds à notre question. Ouais. Ok. Je pense que, entre les années 80, 70 et maintenant, il y a une plus grande montée du fascisme et la répression policière est plus grande. Donc, le glanage ou comme ça, c'est moins possible. Et elles se cachent pas aussi d'être principalement bourgeoises dans leur collectif, ce qui est pas forcément le cas d'une autre. Donc, ça soulève des questions aussi de de risques à prendre ou de risques à encourir qu'on ne pourrait pas forcément. Et du coup, sur la deuxième question que tu as posée, donc la visée utilitaire des images de Clit 007, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de corpus iconographique au sein de la revue. Il y a les images qu'elles ont prises, les images qu'elles ont tirées des revues féministes et lesbiennes, et les images qu'elles ont tirées des revues commerciales hétéro, on va dire. Et du coup, je pense qu'il y a un peu une multitude de fonctions, c'est aussi juste le but des images dans les magazines. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas... Elles avaient quasiment aucune pratique artistique à proprement parler. Il n'y en avait aucune qui faisait de la photographie, hormis dans un but de documentation et de témoignage des manifestations. Et dans d'autres magazines, par exemple Lesbia, j'ai l'impression un traitement de l'image qui est plus pensé de la manière... qui se dissocie complètement de celle de Clit 007, où comme tu le dis, il y a une accumulation qui fait que parfois on peut se demander pourquoi... Enfin, je sais qu'il y a un photomontage qu'on ne vous a pas mis, où c'est juste une double page avec que des chats. Et on ne sait pas... On ne sait pas ce qu'il en est, et d'accord, les lesbiennes aiment bien les chats, mais est-ce que... Enfin, voilà. Du coup, je me dis, je pense qu'il y a aussi l'aspect humoristique de tout ça. Enfin, je pense que la visée, elle est principalement utilitaire, mais qu'à partir de là, on peut s'adapter à comment est-ce qu'elles ont décidé de mettre ces images. Du coup, c'est une grille de lecture, je pense que je suis encore en train de développer, en vrai de vrai, parce que c'est ma première année de thèse. Mais c'est une question super intéressante, donc merci, et je laisse la parole. Moi, pour te répondre sur le côté anti-utilitariste, ce qui m'a interpellée, moi, c'est que donc, toutes ces productions, elles n'existent quasiment pas dans l'histoire de la bande dessinée. Et en général, quand on en discute avec des historiens, des historiennes de la bande dessinée, l'argument qui est avancé, c'est que ne sont pas devenus des auteurs et des autrices connues, que souvent ces bandes dessinées ne sont pas signées ou qu'elles sont trop amatrices. Mais en fait, et que donc voilà, leur première visée était d'abord militante et n'était pas de produire une œuvre, mais c'est un critère qu'on peut évidemment questionner pour savoir ce qu'on met ou non dans une histoire d'une discipline culturelle, puisqu'en l'occurrence, cet usage-là de la bande dessinée, il est attesté, il est documenté sur des dizaines et des dizaines d'années à travers énormément de régions du monde avec de fortes circulations, etc. Donc il y a une histoire de ces pratiques, c'est de la bande dessinée, ça deviendra l'idée de personne en regardant ces productions de dire que c'est pas de la bande dessinée. Donc, mais malgré ces évidences, il y a un paradigme anti-utilitariste dont on peut faire l'histoire, et c'est ce que j'ai fait aussi dans ma thèse, qui fait qu'on s'empêche ou on empêche d'intégrer ces productions à une histoire de la bande dessinée autrement qu'en voulant à tout prix tirer leurs auteurs ou leurs autrices vers des figures auctoriales qui n'avaient pas forcément vocation à être. Alors, et pour, si j'ai bien compris, l'utilité des images, et c'est surtout les beaux-arts, Ça sert à quoi? Je dirais que le périodique essaie de j'ai pas l'expression en français, ça essaie d'offrir un peu de tout, un peu de tous les facets de la culture. Il y a des numéros qui parlent de la relation entre la religion et l'homosexualité, ou sinon la maternité ou l'éducation, et du coup il y a parfois des numéros qui parlent plutôt comme celle qu'on a vue avec Monica, qui parle plutôt de côté genre artistique. Mais ce que je n'ai pas noté, c'est que parfois, et dans ces lettres, ils ne font pas référence explicite, mais il y a beaucoup de lettres qui apparaissent, genre des lettres des abonnés, lectrices, qui répondent aux récits, aux articles. Et parfois, on voit des lectrices qui ne sont pas contentes, qui disent que « Ah non, c'est trop de... » Bah, l'appelle middle class, genre c'est trop, c'est pas assez populaire, c'est pas ce qu'on veut dans notre magazine lesbien, je comprends pas de quoi vous en parle, pourquoi on voit, ne dit pas des beaux-arts, mais il y a peut-être l'implication que ce sorte de travail n'est pas apprécié peut-être par tous les lectrices, mais si, certains oui. Du coup, c'est comme aujourd'hui, on veut qu'une revue en série télévisée, que ce soit tout pour tout le monde, que ça peut offrir quelque chose à tout le monde, mais finalement, c'est pas possible. Et du coup, en ce qui concerne les illustrations plutôt décoratives, j'ai pas trop d'hypothèses, mais j'espère, j'ai des interviews avec les dernières femmes qui restent du collectif SAFO dans les prochaines semaines et mois qui ont travaillé. Du coup, j'espère leur parler de comment, genre les conditions de travail, parce qu'il y avait pas mal de femmes qui entrent, qui sortent au cours des années. Beaucoup de changements dans le collectif qui a créé. Du coup, je pense que ça change aussi peut-être avec, en lien avec qui travaille, les talents des personnes qui étaient, qui faisaient partie du collectif, quoi. Je sais que c'est la fin de la journée, mais s'il y a des petites questions. Du coup, je me lance, hein, parce que c'est la fin de la journée, mais merci beaucoup à tout le monde d'avoir présenté, d'avoir organisé. Et moi, en tant que lesbienne d'un passé qui commence à remonter un peu plus longtemps, je suis vraiment émerveillée de toutes ces recherches, de la possibilité qu'elles existent et tout. Donc vraiment, je suis hyper contente et je vous félicite. Et ma question, c'est: est-ce que vous n'avez pas quand même quelques petites difficultés à faire passer ces sujets dans vos endroits de recherche, et comment ça marche? Comment vous le sentez? Parce que moi, en tant que maintenant prof, même en tant que prof, je ne me sens pas hyper à l'aise. Ça dépend auprès de qui et dans quel cadre, mais même y compris pour des... si on parle de financement et tout ça, ce n'est pas évident. Donc comment vous voyez les choses? Comment vous ressentez les choses? Comment ça se passe? Voilà, merci beaucoup. C'est une bonne question, et en vrai c'est un peu la raison pour laquelle justement on avait décidé de faire ce groupe de recherche. C'est parce que avec Louise, Mathilde et moi-même, on allait commencer à partir en doctorat, et en fait ça a été un peu compliqué de trouver les bonnes personnes pour nous suivre, et les personnes qui considéraient que les sujets qu'on a, c'est des vrais sujets en fait qu'on peut inscrire dans l'histoire de l'art. Moi, j'ai la chance d'avoir un contrat doctoral à Sorbonne Université, ce qui est génial de être payée pour travailler sur des revues lesbiennes et donc en lire à longueur de journée. Et on espère que d'autres lesbiennes pourront être financées pour faire d'autres travaux sur tout l'un d'autres sujets. Et voilà, j'espère que j'ai répondu comme il fallait. Comment ? J'ai la chance d'avoir un très bon directeur de recherche en soi. Et je dis pas ça parce qu'il est dans la salle. Et du coup, j'ai pu compter sur son soutien. Et en vrai, oui, c'est aussi un peu une question de hasard, parce que, pour être tout à fait honnête, au départ, j'avais pas mon contrat doctoral. C'est parce qu'il y a eu un désistement qui a fait que, par chance, j'ai pu avoir ce contrat doc. Mais à la base, quand je suis passée, on me l'a pas donné. Et maintenant, je l'ai, donc tout va bien. Mais c'est de la chance, du hasard et... je sais pas, juste plein de prières le soir, enfin, athée, bien évidemment. Moi aussi, il y a eu une bonne partie de chance au niveau du... Moi, j'ai aussi bénéficié d'un contrat doctoral, mais ça a été un peu un guet-apens au début puisque je me suis inscrite sous un autre sujet qui n'avait rien à voir et parce qu'on m'avait dit non pour celui-ci. Et puis, une fois que j'ai eu le financement, j'ai dit que si, j'allais faire ça. Malgré tout, on n'a pas arrêté pendant mon doctorat de me dire qu'il fallait faire attention, que j'aurais jamais de poste avec un sujet comme ça. Et puis finalement, j'ai eu un poste quand même. Donc peut-être qu'il y a moins de barrières qu'on se l'imagine, qu'il faut y aller quand même. Oui, je répondrai un peu pareil que moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un contrat doc et aussi d'avoir des soutiens externes et tout. Peut-être, moi, je ne suis pas dans l'histoire de l'art propre, on est tous anglophones, du coup, peut-être qu'on est plus woke, je sais pas, dans le contexte anglophone, pas très possible peut-être, mais non, mais j'ai pas eu des difficultés. Il y avait personne qui a dit genre à ma face que ah non, tu n'auras pas un poste avec un tel sujet. Ce qui est bien, ma directrice, elle est partie, elle était là, mais j'ai aussi la chance d'avoir une directrice de thèse qui est très très elle est très très cool, très très ouverte à cette période, à ces enjeux. Non, je dirais juste en termes de matériel, pour moi c'est difficile de peut-être, je sais pas pour toi aussi, de faire ce travail à distance parfois, parce que les archives qui ont Sappho et les autres revues anglaises sont en Angleterre, ce qui n'est pas très loin, mais ça ajoute une autre étape. Et puis le fait que beaucoup des lesbiennes de cette époque sont plus parmi nous, soit avec cette idée des collectivités, ils sont très difficiles à cibler qui a fait quoi et de les retrouver, de contacter. Non, mais sinon, c'est beaucoup de chance, je dirais. Moi, le projet, je ne l'ai pas fait dans un cadre d'UNI. Enfin, je l'ai fait vraiment avec mon collectif. Mais mon bachelor en école d'art n'était pas trop ouvert aux questions lesbiennes. Mais là, du coup, je fais mon master intitulé Art, genre et nature, donc ça va. Je pense que la Suisse allemande est un peu plus ouverte à ces questions, je ne sais pas. Mais c'est vraiment des questions qui sont au centre de mon master en art visuel, donc c'est plutôt cool. Bonsoir. Donc cette dernière session, elle a été beaucoup orientée sur les questions des revues militantes, la créativité, les bricolages qu'il y a derrière. Vous avez choisi d'ouvrir un carnet hypothèse. Est-ce que ces inspirations qui viennent des revues militantes vous en donnent pour aller alimenter cet espace qui est un peu particulier aussi, et un peu ouvert à la créativité par rapport aux revues classiques? C'est une bonne question sur laquelle on ne s'est pas encore trop penché pour l'instant, mais c'est bien, ça nous donne une piste de réflexion. Je pense qu'effectivement, pour l'instant, c'était surtout dit que ça serait plus pour diffuser nos informations. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est le premier événement de CIL, on a envie d'en faire d'autres. Et donc, on va voir un peu la forme que ça prend, parce que on est tous en doctorat, donc ça nous prend quand même du temps de faire ces thèses. Mais c'est vrai que je n'avais pas envisagé hypothèse comme un potentiel carnet lesbien, un peu DIY, un peu glanage. Ça me plaît plutôt bien, donc on va en rediscuter après une bonne nuit de sommeil, je pense. Mais est-ce que vous avez une dernière question, s'il vous plaît? Déjà, merci beaucoup pour vos interventions. Et ensuite, en tant que lesbienne ici d'une zone rurale, on est très très rarement vus. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez trouvé dans vos revues de référence des allusions aux situations pour les personnes queer issues de milieux ruraux, ou est-ce que vous avez dans votre corpus des revues qui sont adressées à un milieu plus rural? Il me semble que dans Clit 007, il y a un article qui parle de être lesbienne et vivre à la campagne, que je pourrais te transmettre si tu veux. Sinon, j'avoue que je ne sais pas. Moi, je sais que du coup, donc, d'un point de vue plus large, que Clit 007, donc les revues lesbiennes françaises, enfin francophones, fin 20e, j'ai l'impression qu'elles ont quand même la volonté souvent d'ouvrir et de sortir un peu des métropoles. Mais ce qui est compliqué, c'est que bah, comme il n'y avait pas Internet, c'était un peu compliqué de se joindre. Et du coup, je sais que par exemple, Lesbia, elles étaient diffusées en kiosque, qui était un peu, enfin, c'est la seule revue qui l'a été en France. Et elles essayaient vraiment d'ouvrir au maximum et de ne pas être trop parisano-centrées comme on peut l'être un peu trop souvent, je pense. Et, mais après, ouais, y a effectivement d'autres articles qui portent sur le fait d'être dans la ruralité et d'être bah, lesbienne. Je sais que La Déferlante, d'un point de vue très contemporain, a fait un sujet là-dessus, il me semble. Je ne l'ai pas lu, mais je pense que c'est très intéressant. Mais après, du coup, je te donnerai juste des références des années 80, quoi, donc c'est peut-être pas... Mais il y a plein de camps d'été lesbiens qui se passent à la campagne. Ça... Ouais, bah à Leuzières, il y a vraiment, il faut qu'on remette ça au jour, s'il vous plaît, les camps d'été lesbiens à la campagne. Voilà. Moi, j'ai pas trop d'exemples de ça dans les revues sur lesquelles j'ai travaillé, aussi parce que l'Argentine c'est très très grand, ça fait plus de 5 fois la France, et du coup on a plutôt tendance à trouver des oppositions dans ces revues entre Buenos Aires et l'intérieur, qui est à peu près la même chose que de dire Paris et la province. Donc je sais qu'il y a des revues qui ont été faites dans des villes de l'intérieur, mais ce qui a été fait en dehors des villes, c'est vrai que c'est une question très absente de ces revues. Oui, c'est un peu le même contexte au Royaume-Uni que Sappho est basé à Londres. Du coup, il y a beaucoup de... Enfin, pas beaucoup, mais il y a parfois des critiques dans des lettres des femmes qui écrivent depuis, peut-être pas la campagne, mais des petits villages qui disent on existe ici, dans la campagne, on n'est pas tout à Londres. Je pense qu'il y a un récit personnel peut-être écrit dans un numéro par une femme, parce que je me souviens d'un petit dessin d'une vache à côté d'une lesbienne. Il y a un petit truc mignon comme ça, mais il n'y a pas vraiment des explorations des lesbiennes, parce que je pense pas à des articles qui parlent de ça. Off the top of my head, je sais pas. On a beaucoup parlé aussi de comment la presse lesbienne permet de mettre en jeu plus d'amateurisme, enfin le fait que tout le monde puisse. Non, mais je voulais continuer sur cette truc. Pardon, c'est juste pour approfondir la réponse. Mais oui, juste la presse lesbienne permet beaucoup plus d'amateurisme et donc que plus de personnes participent, donc notamment des personnes de zones plus rurales, même si évidemment il y a ce problème que c'est souvent centré dans les villes. Mais je pense que justement dans la presse lesbienne, c'est là où les lesbiennes rurales peuvent le plus exister. Et bah, du coup, je vais tout le temps aux archives lesbiennes de Paris, comme on les a mentionnées plusieurs fois. Et dans plein de revues, il y a des numéros spéciaux lesbiennes rurales. Ce matin, j'ai parlé de Amazon Dear, lesbienne d'aujourd'hui. Il y a eu des numéros spécifiques sur les existences rurales et sur ce que c'est d'être une lesbienne à la campagne. Et aussi, il y a eu plein d'initiatives de lesbiennes qui sont parties vivre en ruralité et qui ont créé des magazines à partir de ça, à partir de leur existence et de leur pratique là-bas. Donc oui, il y a des choses. Est-ce qu'il y a une dernière question ? C'était sur ce même sujet, je voulais juste participer à la discussion. Mais c'est que je sais que, par exemple, On Our Backs, aux États-Unis, il était quand même livré directement chez les personnes. Tu as la possibilité de t'inscrire, donc tu avais quand même une sorte de grande pluralité de territoires qui était dans lequel c'était diffusé, et des études qui relisent aussi toutes les lettres des lectrices qui renvoyaient des lettres, et du coup ils voyaient aussi la pluralité d'endroits d'où lesquels les lettres venaient, et c'était vraiment, enfin, les magazines, et celui-là en l'occurrence, c'était aussi vraiment une manière de faire communauté avant Internet, de ville en ville, de pouvoir vraiment dialoguer sur des sujets. Enfin, du coup, il y a, je pense, quand même une volonté dans ces magazines, même si elles n'y arrivent pas forcément à atteindre les ruralités, mais en tout cas à essayer de faire communauté sans être ensemble sur place. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Je pense qu'on a... Oui, bonjour, merci beaucoup. J'ai juste suivi la dernière partie de la journée, et c'était pour savoir, j'imagine qu'il y a des gens des revues comme dans les années 80 qui sont encore vivants, et c'était pour savoir si vous les contactiez, vous faisiez des interviews, si vous vous voyez aussi beaucoup entre vous, ou si vous passez 90% de votre temps dans une bibliothèque. C'est une super bonne question, et du coup, donc moi je travaille donc vraiment sur la fin, dernier quart du XXe siècle. Et effectivement, en fait, depuis septembre, je rencontre un nombre grandissant de vieilles gouines. Et c'est vraiment genre super réjouissant. Et je trouve que, comme il y a peu d'études, à même sur la presse lesbienne, bah, je trouve que c'est... Enfin, c'est même pas je trouve, c'est juste c'est essentiel de pallier ça et de faire ça en complémentarité des entretiens, des interviews et de vraiment savoir ce qu'il en est parce que c'est des personnes qui n'ont pas eu d'autres lieux pour s'exprimer. Et donc, pour par exemple parler de la place des photographies ou du choix, je sais pas, du comité éditorial. Et du coup, il y a un truc où... par exemple, moi, j'ai la chance, contrairement peut-être à tes lesbiennes du Royaume-Uni, il y en a encore beaucoup qui sont vivantes et qui sont hyper contentes de parler et tout ça. Donc voilà. Et par exemple, avec Julo, si tu nous parlais des goûters... Ben, du coup, on organise des goûters avec Val Beauvais qui est là et nos amis Gwyn de Vanille Fraise en Suisse avec Rosangela Gramoni, Marie-Martine Chautan et Irina Nissim. Le but, c'est aussi un peu de, ben, d'échanger. Et puis, la table ronde qu'on avait faite dans le cadre de notre résidence est retranscrite si jamais aussi sur notre... notre site, où le but c'est vraiment de faire des ponts entre leur militantisme et le nôtre et en fait d'apprendre d'elles des choses. Oui, moi j'ai fait beaucoup aussi d'entretiens qui évidemment ont été très enrichissants, avec peut-être la différence du contexte argentin qui fait que, étant donné ce contexte autoritaire, il y a beaucoup de gens qui ont disparu très tôt, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de parler de cette période ou qui ont oublié certains détails liés à ces pratiques-là parce qu'il y a d'autres choses qui prennent énormément de place dans la mémoire. Mais au-delà de ça, oui, évidemment, c'était pas qu'un travail de bibliothèque et c'est aussi ce qui était enthousiasmant. Pareil, mais j'ai pas autant des lesbiennes parce que pour moi ça date plutôt des années 70 et les groupes fondatrices, elles étaient dans leur ils avaient 30 ans, 40 ans au début, du coup elles sont plus parmi nous. Mais pour les autres, j'ai des entretiens cet été. Maintenant que j'ai plus de cours à donner, du coup dans deux semaines, je vais rencontrer une des photographes qu'on a vu son travail. Et puis aussi en juin, je pense, il faut aller en Écosse pour voir. Faut aller en Écosse pour voir la BDiste Kate Charlesworth qui a fait les aventures de Sandy, entre autres. Et à part ça, j'ai pas d'autres pistes pour l'instant, mais ça reste à voir avec elle si elle connaît d'autres Gwyn inconnues. Merci beaucoup. On peut les applaudir pour ce panel. Et peut-être que Mathilde, tu peux revenir pour que. On clôt cette journée. Bah juste un grand merci à tout le monde d'être venu. Pour nous, c'était trop bien. J'espère que pour vous, c'était bien aussi. On va vous tenir au courant de la suite de nos activités. On va créer un annuaire du CIL sur notre carnet hypothèse avec les contacts, les noms et les sujets de recherche des personnes qui travaillent sur les questions lesbiennes au sein des cultures visuelles. Donc, si c'est votre cas, écrivez-nous pour qu'on vous mette dans cet annuaire. Et il y aura d'autres journées d'études comme celle-là. On remercie aussi tout le monde, vous tous qui êtes venus toute la journée ou une partie de la journée. Merci infiniment. Comme on l'a dit, c'est incroyable d'être aussi nombreux. Merci aux participantes qui ont parlé aujourd'hui. Petit instant annonce, il y a une personne qui m'a donné un petit flyer qui recherche des traductrices queer. Donc si jamais, venez me voir, comme ça je le transmets. Et aussi, le week-end du 17 et 18 mai, il y aura ici à Césure le festival Plancheureuse, qui est un festival de BD et d'illustration queer et féministe, qui est organisé par notre bénévole et ami Oti. Donc n'hésitez pas à revenir ici parce que c'est un super endroit, il se passe plein de choses. Et voilà. Festival Plancheureuse, le week-end du 17 et 18 mai à Césure. Ici. Voilà. Et juste un dernier grand merci à nos bénévoles et à Vivos et Sam qui ont enregistré toute la journée qu'on pourra rediffuser. Merci à vous de nous avoir bien aidés aujourd'hui, c'était super.